Longuement avec Sinistros au sujet de nos expériences post-mortem, nous nous heurtons trop souvent à l'échec. Et c'est parce que nous rencontrons toujours le même problème. Sinistros. Voici un exemple. Hier, nous avons eu la chance de pouvoir pratiquer des expériences sur Donald Trump. Ben non, je veux dire Donald Trump. Quoique c'est pas mal la même chose finalement. Donc Sinistros devait se charger de remplacer ce cerveau malade pendant que moi j'écoutais l'émission du Dr. Marcus Wilby. Ben, faut bien apprendre ce qu'on peut. Et à la place, et probablement parce qu'il trouvait cette opération trop difficile, il a remplacé le cerveau par de la paille. Lorsque j'ai vu cela, ma première réaction était de vouloir l'écarteler. Mais en y songeant bien, je me suis révisé, je lui ai dit « Sinistros, si tu peux faire la même chose avec le véritable Donald Trump, la Terre entière te sera reconnaissante. Voici réanimation. Et pour une fois, c'est bien mieux d'avoir un médecin et son assistant. Surtout lorsque l'assistant prend des initiatives qui, pour une fois, améliorent la situation. Parce que pour Donald, la paille, c'est bien mieux que son cerveau. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause we said so. Go! They believe that you can bring life to the dead. The Undead Incorporated Show. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 17 avril de l'an des disgrâces 2018. Je suis le Dr. Pain Pendragon et Sinistro, c'est moi, vous accompagneront métalliquement jusqu'à 21h, qui est là de cette ignoble créature. Malheureusement pour toi, oui, j'ai bravé le petit peu de neige qui tombe. Pas bravé grand-chose. C'est effectivement, j'ai pas bravé grand-chose. Non. Mais tu sais qu'un sinistrose comme moi était légèrement chochotte. Légèrement, je dirais pesamment. Et ça, c'est pas de tes affaires. Ben voilà, hein, c'est bien envoyé comme ça. Il tranquillement, pas vite, commence à apprendre les bonnes choses de la vie. Même j'apprends, les j'apprends bonnes très, très vite. Oui, t'apprends très vite, mais tu je réagis pas vite, par exemple. Tu oublies rapidement. On a commencé un peu en force cette édition de réanimation avec, comme premier bloc, quelque chose de à forte tendance death metal. Quoique ce qu'on vient d'entendre à l'instant soit Odin Menace, formation de Helsinki en Finlande, donne dans un death, oui, mais doom. Et la pièce Sorrow of the Moon qu'on retrouve sur leur plus récente parution Ossarium Silhouettes Unhallowed, qui est leur quatrième album paru le 26 janvier dernier. 2018, bien entendu, sur Season of Mist et définitivement, c'est une formation que j'ai découverte avec cet album et je fais un retour en arrière, je trouve ça vraiment très très bon, donc Brossarium Silhouette Unhallowed fera probablement, plus probablement partie de mon top 10 de 2018. Déjà, je peux m'avancer. Hein? Oh oui, ben c'est pas très très compliqué cette année, moi t'avouer que... Écoute... C'est difficile, mettons. Là. Ben, ouais. Disons que, oui, on est rendu seulement à la mi-avril. Si là, on regarde, mais... mettons, 2017, où ce que des milieux février, t'avais déjà un paquet de sorties qui était vraiment comme presque grandiose. Là, depuis début 2018, ça... Je suis allé voir les sorties à venir dans les prochains mois. On va avoir un beau package qui s'en vient dans les prochains mois. Oui, mais ça s'en vient au compte-gouttes. Là, ben, c'est au compte-gouttes, effectivement. Ouais. Peut-être que 2018 va être une année peut-être de moyen cru. Peut-être aussi que tout va arriver à partir du mois de septembre. Ben, écoute. 2014 avait été comme ça. Tout est arrivé, tout à partir de 2014. Un boom de fin d'année. Mais remarque que moi, ça me dérange plus ou moins parce que ça me permet d'explorer d'autres choses. Ben, moi aussi, tu sais, vous allez sûrement vous apercevoir que Hurlemort a comme ralenti ses activités un petit peu. Il y a moins de chroniques parce que je mets plus de temps sur réanimation, bien sûr. Bon, pauvre petit non, non, mais c'est pas pauvre. C'est, on fait juste changer les trucs de place, c'est pas bien grave. Puis ça fait quasiment mon affaire qu'il n'y ait pas beaucoup de sorties parce que je manque, tu sais, je passe pas à côté de bonnes choses, dans le fond. Ben, tu sais. Je fais des bonnes sélections, hein, tu sais, et je regarde encore ce qui sort comme avant, mais tu sais, je dirais qu'il y a moins. Peut-être qu'il y a autant de qualité, mais moins qui m'intéresse, moi. Ben, écoute, c'est certain, Sinistros, que plus ça fait d'années qu'on écoute de musique, plus on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas aussi. Hein. Ben, effectivement. Comme dans la vie en général, on devient plus sélectif. C'est ça. Puis, on a déjà parlé, toi et moi, principalement au niveau du métal, il y a beaucoup de redondance, hein. Donc, malheureusement, oui. Ce qui veut dire que il y a beaucoup de formations, beaucoup, beaucoup de formations, beaucoup de sorties d'albums, à plus ou moins grande échelle, bien entendu, mais il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre elles. Là. Ben, beaucoup de choix pour le monde métalleux, tu sais, pis ça, on y va avec selon notre degré de connaissance métallique aussi, tu sais. Toi et moi, on écoute du métal depuis 1977-78, tu sais. Ben, moi, c'est 1877. Oh, non, c'est ça que je disais. Là, oui, grand-mère était là. Écoute, oui, ben oui. Hey, vous autres, là! Grand-mère, tais-toi. Fait que c'est sûr et certain que pour nous autres, les nouvelles sorties, c'est... Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous étonnent. Non. Il y a des belles choses, il y a des excellentes choses qui sortent. Mais moi, personnellement, en tant qu'amateur de musique, il n'y a pas grand-chose qui me surprend. Des wow, il y en a moins souvent. Il y a moins souvent de wow, puis moins de « qu'est-ce que c'est ça? » Ah, exact. Il y en a moins. Ouais. C'est sûr que certains que nous autres, on est comme un peu plus large d'esprit musicalement. Fait qu'on est allé, tu sais, on bifurque à droite et à gauche, puis des albums dans notre vie, si on n'a pas écouté 5000, on n'a pas écouté du tout. Bon, moi, j'en ai écouté 5002. Ah, t'as deux de plus que moi, c'est bien. Hey, écoute, ça se compte même plus, là. Non, ça se compte plus. C'est ça que je dis, tu sais, ça se compte en milliers, mais. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut vivre avec ce entre guillemets, marché-là qu'ils proposent et on dispose par la suite. Hein, c'est tout. Ça? Ben c'est oui. Tout. Donc, pour revenir à la présentation du premier bloc, avant Hooded Menace, on a eu Morbid Angel de Floride, de Tampa plus précisément, et la pièce Paradigm Warped, qu'on retrouve sur leur dernière parution, Kingdom's Disdain, qui est parue le 1er décembre 2017. Pardon, c'était leur 10e sur Silver Lining, donc un nouveau label pour Morbid Angel. Et on a ouvert avec d'Angleterre, de Horsham, Discarnate, qui a fait office d'un de mes top 10, dans mes top 10 de 2017, et la pièce de Promethean, tirée de l'album And So It Came to Pass. C'était leur 3e album, qui lui est paru le 27 février 2012 sur Sage of Amida. Ce soir, en réanimation, eh bien... présentation, oui, effectivement, de nouveautés de la part de Sinistros en la formation canadienne Augury et moi, formation finlandaise Convocation, formation Doom. D'ailleurs, moi, mes choix musicaux seront beaucoup plus à tendance Doom ce soir. Mais Sinistros nous propose à l'instant aussi... Mais je propose qu'on aille à la pause. Mais toi, mets-toi dans tes affaires, là, la pause. On fait plus ça, on n'a plus le temps de faire ça. On va à la pause, si tu veux bien. Effectivement. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Le prétexte, c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou, 89.1. Bon, toujours est-il que... C'est cela. Nous sommes allés à la pause. Oui, on est allé à la pause, c'est indéniable. Alors, fait que là, on est rendu à l'éternel bloc de Sinistro. Oui, là, tu nous proposes un retour en arrière en 1985. Et bien évidemment, vous alors, savez, où tu avais à peu près 2 ou 3 ans, je pense. Hein? Peut-être un et demi. J'ai découvert ça bien sur le tard, moi, de métal. En fait, tu l'as découvert en t'en venant. Oui, c'est ça. Je m'en venais tantôt. Hey, c'est donc bien hot, ça. Vous savez que depuis le retour de grand-mère à l'émission... Ben oui, elle est grand-mère, d'ailleurs. Oui, toi, non! Ah, elle est chialeuse, hein? Oui. On était... Effectivement, elle est très chialeuse. Celle qui a fait le frontispice du poster de cette semaine. Oui, ben oui! Vous savez, grand-mère a ses secrets et que serait réanimation sans le back pressure en arrière de grand-mère. C'est elle qui règle toutes les bébelles. Fait que depuis qu'elle est revenue, elle a décidé de prendre les choses en main. Oh, wow! Ah, ben, on en apprend tous les jours, hein? C'est ça. Tu le savais pas. Non, non. Maintenant, tu le sais. D'accord, oui. Fait que grand-mère, elle m'a chuchoté à l'oreille de... Ça devait être assez... C'était strident. Oui. Effectivement. On va faire un retour dans le passé, juste pour ne pas faire fuir les auditeurs au cours de les innombrables... Oui, mais si on s'en fout... T'as raison. Laissez faire les auditeurs, c'est pas grave. J'ai pas ben à ce moment-là, c'est disons que vous dites dans un esprit éducatif. Okay, bon, voilà. Vous savez qu'il y a l'évolution métallique selon Sinistros. Alors, j'ai décidé de faire un bloc où ce que on pourrait imbriquer ça pour vous montrer ce qui va s'en venir éventuellement dans les capsules de l'évolution métallique. Fait qu'on fait un retour en 1985. alors que on savait pas trop là si le power metal n'existait pas encore. Ben le power metal, ça n'a jamais dû exister, ça. Effectivement. Effectivement, c'est à une période où ce que le heavy metal a fait une transition vers le speed metal. Le speed metal, un petit peu par après, a scindé en deux, donc le power sur un côté qui a gardé le petit côté, il a oui avec les petites guitares, puis le côté un peu plus trashy, le trash metal est arrivé. Fait que il y a des groupes qui savaient pas trop ce qui s'enlignait à cette époque-là. On restait heavy metal, on va-tu speed metal, ouais, on s'enlignait tout sur le power, on s'en... savait pas trop. Il y en a un qui aurait dû carrément arrêter, remarque, là. Mais... Alors, après le premier hippie, effectivement. T'as bien raison. J'en sais plein un en particulier. Oui, moi aussi, c'est le même que moi, c'est le troisième. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, t'as raison. Fait qu'on va y aller avec un bloc typiquement 1985, avec trois groupes qui ont quand même eu une forte influence à cette époque, mais une très courte influence. Ben, c'est bien dit. Très courte influence, mais ça l'a quand même frappé très fort à l'époque. Ça a donné un petit souffle au speed metal puis au power pour ceux qui trippent sur le power aujourd'hui. Hein? Oui, il y en a. Il y en a de ça. On va voir Abattoir, groupe de la Californie, avec la pièce The Enemy. C'était paru sur l'album Vicious Attack, qui était paru le 7 juillet 1985. Mm-hmm. C'était Combat Records. On va voir Savatage, qui est un peu dans la même veine qu'Abattoir. Peut-être un petit peu plus, plus power metal. Ouais, peut-être un peu, oui. Qui venait de Floride avec la pièce titre de l'album Power of the Night qui est apparu le 20 mai 1985 et Halloween. Ben oui, le voilà le fameux. Halloween avec le seul et unique mini-album de leur carrière qui était très bon. Ben en tout cas, digne de s'en rappeler. Digne d'une très grosse mention. Ouais. Le full length, il y avait quelques petites pièce qui était quand même pas pire. Wall of Jericho. Wall of Jericho, ouais, effectivement, mais il était pas tout bon. Non. Et après ça, ça. À la minute où ce que Kai Hansen a arrêté de chanter, le groupe est tombé dans une cela. Mais il y en a qui aiment ça. Que pour moi, Halloween, il y a un mini-album de 5 pièces, puis ça s'arrête là. Je suis pas mal d'accord. C'est ça. Fait que c'est le EP qui a pour titre Halloween, avec la pièce Victim of Fate. C'est apparu le 1er mars 1985 sur Noise. Voilà. Alors allons-y avec un beau petit bloc bien rétro. Let's go, mon petit Pierre Lalonde. Got the light. Eh bien, on vient d'entendre Helloween à l'époque où ils étaient encore épiques et non qu'ils faisaient pépique. Ouais, ben écoute, honnêtement, là... Tu connais rien, toi, c'est pas grave. Non, ben peut-être que je connais certaines choses. Ben, en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est je sais ce que j'aime pas. Non, Helloween, définitivement, moi, cette voix-là, là, ça m'agresse au plus haut point. Mais je suis... Pas qu'on se donne quand même. Je sais. Je m'en sacre pas mal dans ce temps-là. Je me mets les écouteurs et j'écoute autre chose. Non, ce que tu n'as pas dit à nos chers auditeurs, c'est que pendant que la musique joue, nous autres, on jase. On dit des niaiseries à Confus. On n'écoute pas ça, ce qu'on programme, nous autres. On l'a déjà entendu. On ne sait même pas ce qu'on programme. Non, mais blague à part, ça m'agresse les vocales aussi, lui, que ça. Ça m'agresse définitivement. J'avoue que la tangente power metal qu'il a subie après, c'est comme... C'est serre-couille pas mal. Ça fait tellement mal, là où tu l'as dit. C'est cela. Victim of Fate, qui est apparu sur le premier EP, Helloween, paru en 1985. On a eu Savatage avec Power of the Night, paru sur l'album éponyme Power of the Night. Qui existe toujours aux autres aussi. Oui, effectivement. Dont le guitariste fait partie du Machin Chouette Orchestra. Le Machin Chouette Orchestra. Trans-Siberian Orchestra. C'est ça, ben oui, c'est Johnny Lee Middleton. C'est ça. Ouais. Et on a eu Abattoir avec The Enemy. Abattoir qui a seulement deux albums à son actif et toujours actif aujourd'hui. Oui. C'est paru sur l'album Vicious Attack également en 1985. Abattoir qui avait été reconnu à l'époque pour la reprise d'Ace of Spades. Oui. De Motorhead. Oui, oui, oui, oui. Et oui, ils existent encore, mais ils se sont reformés cette année, 2018. Et comme tu l'as dit, deux albums, celui que tu as la pièce de celui que tu as présenté, Vicious Attack de 85, The Only Safe Place de 86, comme tu l'as dit, et étrangement, 87, 2000, 2001, 2004, ce sont des démos. OK. D'accord. Ça veut dire que, bon, ça a peut-être pas marché autant qu'ils voudraient. Hein? Ça se peut très bien. Mais voilà. Ou ils s'en foutaient carrément. Ben, je crois pas à cette époque-là qu'on s'en foutait. Je pense qu'à cette époque-là, on était beaucoup... Ben, je dis on, ça m'exclut bien sûr, là. Les musiciens qui voulaient faire carrière dans le métal prenaient ça très, très au sérieux. S'ils avaient la chance de se faire signer, ils étaient fous comme des balais. Mais t'arrêtes de me dire que les musiciens d'aujourd'hui, ils prennent ça comme... Ben, ils peuvent s'autoproduire, faire ce qu'ils veulent. Oh, effectivement. Tu sais, aujourd'hui, Internet est là pour distribuer toute leur musique, fait que... À notre plus grande âme, finalement. Ben, probablement, oui. Sauf que ça leur donne la visibilité, mais ça leur donne pas grand paye, par exemple. Hein. C'est sûr. Ouais. Ceci étant dit, j'ai pratiquement le goût de faire ma chronique cinéma tout de suite. Pour faire peur au monde. Ben, peur, c'est relatif. D'autant plus que cette semaine, est-ce que j'ai aimé les trucs? Je m'en rappelle plus. Ben, majoritairement, quand même pas mal, oui. Ben, je vais commencer avec celui qui était le plus, le moins significatif, qui était un film de science-fiction, Phoenix Forgotten. T'aimes-tu les trucs d'extraterrestres, toi? Oui. Ah, OK. Moi, je vais passer un autre appel là-bas. OK. Non, c'est un film de science-fiction avec une connotation horreur qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, 20 ans après la disparition de son frère et de ses deux amis, retourne à Phoenix, en Arizona, pour chez ses parents, pour revisionner le tape du caméscope qui avait été fait parce que elle, à son anniversaire de 6 ans, il a fait une grosse fête familiale dans la cour. Ils avaient vu 8 lumières apparaître en V dans le ciel. Et c'était quelque chose qui avait été resté inexpliqué. Et ça avait piqué énormément la curiosité de son frère, qui était son frère aîné, et qui avait décidé de partir avec... deux de ses amis dans le désert de l'Arizona pour essayer de retrouver les traces de ça. Ils se rendent compte finalement qu'ils sont confrontés à quelque chose qui est probablement soit arrangé avec l'armée ou soit extraterrestre et arrangé avec l'armée. Ah, OK. Fuck. Mais c'est intéressant. Le scénario est excellent. Sinistros, le problème, c'est que, encore une fois, c'est un film filmé caméra à l'épaule. Ah. Mais celui-là, il bouge beaucoup. Beaucoup. Donc, par moment, moi, ça me donne un peu des hauts le cœur. C'est un peu comme District, je sais pas quoi. Là, exactement. Celui-là, la caméra soit brassée allègrement. Okay. Fait que ça, c'était un des trucs qui a fait que j'ai été un peu réticent à apprécier le film à sa juste valeur. Mais la fin est vraiment bonne. La fin est vraiment bonne, puis le scénario, il est bon. Phoenix Forgotten. L'autre truc que j'ai trouvé, ma foi, un film de anti-possession, si on veut. Très humble comme film, sans fluff-là, qui porte le nom de Veronica avec un K. Comme de Metallica. Non, c'est ça. Metallica, faut dire. Ben oui. Tu dis n'importe quoi. Ben toujours. Qui était un film d'horreur, bien entendu. C'était un film espagnol de Paco Plaza et qui est le seul fait en date de ce jour reconnu par la police espagnole comme étant un fait inexpliqué et possiblement explicable paranormal. C'est un film sans prétention, sans effet extraordinairement fluff-là, mais c'est un bon film, et ça va droit au but, et ça raconte un fait qui est supposément réel. Donc, Veronica, c'est un film qui est fort intéressant à voir. Et probablement, celui que j'ai apprécié le plus, c'est Hostiles, un film de Scott Cooper avec Christian Bale et Rosamund Pike, qui est un drame, un western drame à connotation historique, alors que c'est... vers la fin des guerres entre la cavalerie et les nations amérindiennes aux États-Unis et que Christian Bale est un capitaine de cavalerie et son détachement sont forcés d'accompagner Faucon Jaune, qui est un chef Apache, Cheyenne, pardon, qui est mourant et qui est emprisonné depuis 7 ans et de leur accompagner lui et sa famille dans les territoires du Dakota, dans ses terres, pour qu'ils meurent en paix. Et à cette époque-là, ben il y avait les Comanches qui attaquaient beaucoup là. Donc c'est un film qui est, ma foi, fort intéressant historiquement, très très bien fait, mais aussi bien interprété. Christian Bale, c'est pas un mauvais acteur, on s'entend là. Il faisait un très très bon Batman. Il faisait un très bon Batman. Effectivement, c'est probablement celui que j'ai préféré dans, oui, Batman. Effectivement. C'est un bon film avec, mais faut pas s'attendre à voir un film uniquement basé sur de l'action. Il y en a, mais c'est principalement psychologique et c'est très bien amené. Hostile, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec deux de mes choix. Ben, seulement deux, oui, parce que c'est quand même 22 minutes, là. J'avais dit qu'on s'en allait plus vers le dos, mais bon, on va y aller avec une formation d'Italie que Sinistros m'a fait découvrir, dont je les remercie, Abysmal Grief. Une pièce tirée de leur plus récente parution, Blasphème Asecta. Quel excellent album! C'est vraiment très, très bon, je suis d'accord avec toi. Mais aussi, une formation qu'on a en commun au niveau de l'admiration, c'est Trapticon. C'est clair. Allons-y tout de suite avec un petit bloc à tendance plus morbide et mortuaire. Let's go. Thank you. pression sur les ondes du 89.1 FM. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission L'Octrotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 89.1. Vous êtes à Cibou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibou. À Trois-Rivières, c'est 89.1. Sinistros. Qu'est-ce que c'est? On est polisson. Je sais. Sais-tu pourquoi? Parce qu'Horace n'a pas été invité au micro aujourd'hui. Ben voilà, appelle-le donc. Horace. OK, bout de pu, là. Il attendait, fini. Hein? Oui, il était en tabac. Pauvre petit singe. Pauvre petit singe. Il veut pas se laisser démantibuler. Hein? Ben là, à toutes les fois que j'arrive, il m'attaque, il me lance des bouts de cervelle. Je l'ai donc bien élevé. Il est coquet. Imagine tout le foutoir avec grand-mère. Grand-mère, continue à faire ton tricot, ça va aller. Okay. Mais grand-mère est en train de faire un chandail avec des boyaux de. C'est sûr que c'est pas la grand-mère de massacre à tronçonneuse qu'on a. Non, elle est bien pire. 20h15, vous êtes toujours à l'écoute des réanimations des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, et ça pour encore 45 longues minutes dans certains cas. On vient d'entendre un long bloc de 22 minutes 20 secondes et peut-être même plus, qui sait, qui était constitué de ce qu'on vient d'entendre juste avant la pause publicitaire, de Zurich en Suisse, Triptychon, tiré de leur deuxième album, Melana Casmata, Black Snow. Quelle excellente pièce, n'est-ce pas? Oh que oui! C'est-tu pesant, ça? Ils ont le don de nous garocher. Tu sais, t'as l'impression que ça bûche. Ben non, ça bûche encore plus, tu sais, quand... Oh, et ça revient par en arrière, puis c'est... Oh, oui, j'adore ça. Deuxième album paru le 14 avril 2014 sur Century Media. On serait dû. C'est comme on disait, on serait dû. Aux 4 ans, là, on suit la suite logique. On là. Serait dû. Ouais, ça devrait probablement être cette année, espérons-le. Et justement, Abysmal Grief d'Italie et la pièce Behold the Corpse Revived, qui est tirée de leur plus récente parution, Blasphema Secta, le cinquième album paru le 13 janvier 2018 sur Sun and Moon Records. C'est maintenant le temps à Sinistros de vous parler de sa première présentation de la soirée. Eh bien, album qui s'est valu la plus haute note sur Hurlemort à vie. C'est-à-dire? 9.6 sur 10. Ouh, c'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup. C'est Formation québécoise Augury avec le troisième album Illusive Golden Age. Ça faisait presque 9 ans qu'on l'attendait. Si ce n'est 9 ans. Ben, c'est 9 ans, oui. On attendait cet album-là, puis pendant ces 9 ans, ben, les petits garçons, ils ont peaufiné leur musique, parce que cet album-là, il peut se classer aux côtés des Nothing Face et compagnie. Là. OK. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment puissant. On va entendre deux pièces de cet album-là qui sont tour à tour The Living Vault et Mater Dolorosa. C'est paru sur The Artisan Era le 30 mars 2018. On va écouter tout juste Alesta. Mm-hmm. Maintenant, là, drette là. Juste Augury. Pour vous. Juste pour vous. Et pour nous aussi. Augury. Ici, à Réanimation, ça tourne pour toi. Chagrin. We'll be right back. C'est fou! Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca 89.1. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. La sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine, nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de CIFU 89.1. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Loc Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. CIFU 89.1 FM. FM. Toujours est-il qu'il est 20h32. Ben, OK. Et vous êtes à l'écoute de Réanimation jusqu'à 21h. J'allais dire, mon cher Sinistros, je vais recommencer. Sinistros. OK. Toi, on a entendu deux pièces du nouvel album de Augury, Illusive Golden Age, qui est paru le 30 mars dernier sur The Artisan Era. On a entendu les pièces Mater Dolorosa et tout juste avant The Living Bolt. Très bon. Excellent album. Oui, définitivement, Augury, avec cet album-là, selon moi, peut-être selon toi aussi, vient atteindre un niveau de qualité qui est pas mal international. Effectivement. Oui. Il faut noter aussi, bien entendu, que c'est une formation qui a 4 membres de grands talents musicaux. Des gens qui sont passés maîtres dans l'art de leurs instruments. Et aussi spécialement, je pense, il faut vraiment mentionner Antoine Barry, le batteur dans le groupe, qui est un multi-instrumentiste vraiment exceptionnel. Allez voir l'hommage à Genesis puis l'hommage à Rush qu'il a fait. Oui, tout à fait, fou. Tout à fait. C'est vraiment, c'est absolument surprenant la qualité de musicianship que Antoine Barry a. C'est chapeau. Vraiment, définitivement. Ou casquette. Dépendant de ce que vous avez sur la tête, ou béret, ou peu importe. Là. Mais oui, effectivement, le nouvel album d'Augury, qui aura pris pratiquement 9 ans à se faire paraître, vaut vraiment la peine. Et je pense que ça mérite au groupe d'avoir vraiment un offre de la part d'une maison de disques importante. Là. Ça mérite une grosse distribution, ça. Là. Effectivement. Oui. Ben, c'était pas mal bon, ça. Maintenant, c'est à mon tour de vous présenter ma présentation de la semaine, qui ne sera qu'une seule pièce, mais tout de même de 10 minutes, qui s'en va à la formation finlandaise Convocation, qui donne dans un Death Doom Funeral, Death Funeral Doom Metal, si vous préférez, ainsi que, je dirais, très lourd. L'album étant Scars Across, qui est paru le 30 mars dernier sur Everlasting Spew. C'est le premier album de c'est un duo finlandais, faut savoir, mais évidemment, ils doivent s'entourer d'autres toujours de gens, là. Mais c'est vraiment quelque chose qui est d'une lourdeur, mon ami, à faire peur, pratiquement. Allons écouter ça. 50 minutes de musique, mais pas. Je parle de l'album, bien sûr. 4 pièces pour 50 minutes. Oui. Ouais. J'ai accordé un 8 sur 10. C'est pas beaucoup. Tu connais rien, toi. Ben, je connais ça certain. Ben, moi, 8 sur 10, là, ça commence à être pas mal intéressant. Oui, mais c'est parce que toi, faut que les auditeurs le sachent. Toi, quand t'accordes un 7, c'est parce que c'est pas bon. C'est sûr. Ben non. Une chance que t'as pas été coté de même à l'école, tu seras encore en première année. Ah, mais j'ai pas arrêté là. Convocation, let's go. êtes à l'écoute de l'animation sur les ondes du 89.1 FM. Yeah. Wow. Convocation et la pièce Elliot Pause qu'on retrouve sur leur premier album, donc aussi plus récente parution, n'est-ce pas? Scars Across, ben non, ça répète, hein, le premier album qui était apparu il y a 10 ans, c'est vrai. Bon, non, mais il est paru c'est le 30 mars. Oui, c'est vrai. Scars Across étant le titre de cet album paru le 30 mars dernier sur Everlasting Spew. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est il y a une ambiance là, vraiment c'est là, c'est malsaine qui, qui sort de là. Là tout est dans le reverb. Tout. Ça marche beaucoup. Tout est dans le reverb. Oui, oui, oui. Ouais. Et comme on le disait, maintenant, nous cuisinerons avec du reverb. Oui, le spaghetti au reverb. ce vendredi, ici même, c'est Fou 89.1 FM. Pour les vrais amateurs de vrai rock, vous aurez Rock Classique avec mon ami le Rockmaster Alain Lefebvre qui vous entretiendra, vais-je le dire, de rock, bien entendu, dès 11h ici même. C'est fou. Jusqu'à 17h avec les portions traditionnelles, c'est-à-dire les éphémérides, les groupes obscurs ainsi que les albums classiques pour une émission remplie de fantaisie à laquelle je ne serai pas encore cette semaine, mais je vais revenir la semaine d'après. Il y a aussi... non, ça ne sera pas le tour de notre ami de DJ DJ Tower of Death. Oui, cette semaine, c'était la semaine dernière. Il y a le blog... Non, ça sera la semaine prochaine. Ouais, oui. Ah! Et aussi le blog de notre ami Sinistros, hurlamort.com, à visiter avec ses chroniques qui sont plus ou moins intéressantes. Les chroniques farfelues. Les chroniques sont pas très bonnes, mais la plume est bonne, elle. Oui, c'est bien une plume d'aigle, des fois, c'est ça aide, là, tu sais. Avec un petit peu d'angle de chine, mais ça beurre les crins. Oui, ça beurre les doigts aussi. Oui, oui, oui, oui. La semaine prochaine, à réanimation, nous vous présenterons, Sinistros vous présentera la troisième partie de l'évolution du métal selon Sinistros, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ainsi que c'est la dernière émission du mois, donc les albums marquants. Sinistros sera Def Leppard, Eye and Dry, de 1981. Oui. Et moi, ça sera Septic Flesh Communion de 2008. Mais quel excellent choix! Ben, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est mais on fait ce qu'on veut aussi. On fait ce qu'on veut aussi. T'as bien raison, ouais. Mon ami. Effectivement. À toi qui en est comble de ben, cette émission. J'ai concocté un beau petit bloc spécialement pour toi. Oh! Oui, du black metal. Oui! Vous êtes trop bon. Je suis gentil, hein? Non, pas que vraiment. De guitares stridentes et des petits sons qui font... Ah, je suis pas avec des voix qui font... Oui, oui, oui. Je pense que je vais aller faire un tour quelque part dans le fond du laboratoire. D'accord. On va avoir un bon petit bloc black metal, comme dirait ce très bon docteur. Mais j'ai pas dit bon, moi. Mais j'ai pas dit docteur non plus. Elle est bien bonne. Alors, nous aurons Watain avec la pièce Malfaiteur qui est parue sur Lawless Darkness en 2010. Nous aurons Vride avec Wolverine Bastards qui est paru sur V ou Five ou Allez tous vous faire foutre. Ben non, voilà, c'est pas tout de suite. Et nous aurons Shoulder avec la pièce Slacked parce qu'il y avait le Slacked. Oui, voilà. C'est paru sur l'album Légion Helvète en 2011 sur CZ Seasonal Miz. Alors, sur ce, allez tous vous faire foutre. C'est eyes by the natural skin. Raised by disrespect, expect.